Aimez-vous faire les chicabons? Ouais. Oh, c'est ça! Assez le Apollo! Et sous Constas! L'orchestre Skacha d'Haïti! Aime ça, aime ça.